Le mystère d'Édimbourg par Emma Orczy, chapitre 1er. Ce jour-là, le bonhomme se tenait dans son coin, silencieux et mélancolique. Il regardait dans le vague et répondit peu à mon salut. Pour le décider à parler, je lui dis soudain quelle admiration j'avais pour sa façon simple, précise, irréfutable, d'éclaircir des faits qui jusqu'alors avaient paru incompréhensibles. Il sembla s'éveiller un peu, mais continua de se taire. J'avais près de moi un paquet de livres noués par une ficelle rouge, je l'ouvris, et je fis tomber comme par hasard la ficelle sur la table du bonhomme. Quand je le regardais, après avoir discrètement feuilleté un volume, les longs doigts maigres s'occupaient déjà à accumuler nœud sur nœud au long de la ficelle, et il avait son air ordinaire, humble et ironique. « Vous souvenez-vous du mystère d'Édimbourg ? » demanda-t-il. « Oui, mais pas dans tous les détails. Les voici. » Il s'accouda et commença à me narrer l'affaire. Exposer un fait nettement, minutieusement, lui plaisait autant que d'en donner la solution, de même qu'il éprouvait certes autant de plaisir à faire des nœuds sur sa ficelle qu'à les défaire. « Avez-vous été à Édimbourg ?»« Si oui, vous avez sans doute entendu parler de la banque Graham, dont le directeur, M. Andrew Graham, est certainement une des plus hautes notabilités de la moderne Athènes. » Il sortit de son portefeuille de photographies et les plaça devant moi. « La première, dit-il, est celle de M. Henry Graham, le fils aîné de la maison, un jeune Écossais, typique, comme vous voyez, et celle-ci vous montre M. David Graham, le plus jeune. » Je vis un jeune visage triste et délicat, aux traits irréguliers, aux yeux anormalement saillants et larges. « Il était vilainement déformé, commenta le bonhomme, et comme tel un objet de pitié et même de répugnance. On racontait aussi que son esprit était loin d'être sain. L'existence du pauvre être manquait vraiment de gaieté. Il avait perdu sa mère tout enfant et son père semblait avoir une invincible antipathie pour lui. Tout le monde connaissait la situation presque misérable de M. David Graham dans la maison familiale et aussi l'immense affection qu'avait pour lui sa tante et marraine, Lady Donaldson, une sœur de M. Graham. Cette bonne dame tenait de son mari, le regretté Sir George Donaldson, le grand dessinateur, une fortune considérable. Elle était assez excentrique et venait de stupéfier toute sa famille, de rigides presbytériens, en annonçant son intention d'embrasser la religion catholique romaine et de se retirer au couvent de Sainte-Augustine à Newton Abbot dans le Devonshire. Elle avait tous les droits sur la fortune que son mari lui avait léguée et aurait même pu la donner au couvent, mais telle n'était pas son intention. Je vous ai dit combien elle aimait son filleul et neveu contrefait, David. Or, son idée fixe était de ne pas se retirer du monde avant d'avoir marié le pauvre jeune homme. Cette idée semblait à tout son entourage une excentricité de plus. Il se trouva que David Graham, laid, contrefait et à moitié toqué comme il était, se mit à adorer désespérément la magnifique Miss Edith Crawford, fille d'un médecin décédé. Cette jeune personne ayant mal accueilli cette flamme, David Graham en devint de plus en plus morose. Il dépérissait, il ne mangeait plus et restait des journées entières sans parler. Lady Donaldson résolut alors de décider coûte que coûte Miss Crawford à épouser son malheureux neveu. Le 2 octobre, un dîner de famille donné par M. Graham dans sa belle maison de Charlotte Square, Lady Donaldson annonça que de son vivant, dès à présent, elle donnait à son neveu David Graham, en or, obligations, actions et billets de banque, la somme de 150 000 livres et aussi ses magnifiques diamants, valant 50 000 livres et qu'il serait porté par la femme de David. Keith McFinlay, l'avoué bien connu, reçut ordre, dès le lendemain, de préparer l'acte. La bonne tante promit d'y ajouter sa ceinture le jour du mariage de son filleul. La semaine suivante, le Scotsman contenait le paragraphe ci-dessous. On assistera prochainement à la célébration du mariage de David, fils cadet d'Andrew Graham Esquire, de Charlotte Square, à Édimbourg, et Edith Lillian, fille unique de feu le docteur Kenneth Crawford, de Princess Gardens. Les commentaires sur ce mariage ne furent pas très favorables de familles qu'il concernait. La race écossaise n'est pas particulièrement sentimentale. Mais cette union ressemblait tellement à un marché que l'esprit chevaleresque du pays se hérissait. Les trois personnes en cause se disaient naturellement des plus heureuses. David Graham paraissait transformé. Il était gai, gentil, affectueux. Il semblait même avoir recouvré toute sa raison dans ce bonheur immense et imprévu. Miss Edith Crawford préparait son trousseau et parlait des diamants avec ses amis. Quant à Lady Donaldson, elle attendait impatiemment la célébration du mariage, le plus cher désir de son cœur, pour se retirer du monde. L'acte de donation était prêt et la signature finale y serait apposée le jour du mariage, c'est-à-dire le 7 novembre. Lady Donaldson vint alors passer quelques jours dans la maison de son frère. M. Graham donna un grand bal le 23 octobre, et Lady Donaldson insista pour que la future femme de David y portât les magnifiques diamants qui devaient bientôt être à elle. Ils étaient en vérité superbes et convenaient merveilleusement à la hautaine beauté de Miss Crawford. Le bal fut un grand succès. La ville ne cessa d'en parler toute la journée suivante. Or, Édimbourg, en dépliant les journaux du lendemain soir, apprit avec horreur et stupéfaction qu'on avait trouvé Lady Donaldson assassinée dans sa chambre le matin et que les diamants avaient disparu. Mais la belle petite cité n'en avait pas fini avec les nouvelles sensationnelles. Quelques jours plus tard, les gazettes annonçaient une imminente arrestation qui étonnerait tout le monde. Le soir, on apprenait que cette sensationnelle arrestation était celle de Miss Edith Crawford, accusée de meurtre et de vol. On l'avait arrêtée à Londres, à l'hôtel Midland, et conduite à Édimbourg.